T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très très très heureux de vous retrouver en ce samedi 1er juillet 2017 pour l'épisode numéro 386 de Planète Indie. Si vous nous êtes fidèles, eh bien vous savez qu'on se retrouve ainsi chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL pour partir à la découverte du meilleur de la musique alternative, de la musique indépendante. Je disais donc que vous pouvez nous écouter sur les ondes de RGL, mais aussi via le câble télédistribution sur tout le territoire luxembourgeois ainsi que sur le territoire belge, c'est à signaler. Vous pouvez nous écouter évidemment via Internet. Et puis si vous ratez l'émission, eh bien notre podcast reste disponible pendant un mois sur le site internet de Planète Indie. C'est très simple, vous pouvez réécouter les émissions ainsi. Et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre notre groupe Facebook où il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'artistes qu'on entend aussi. Donc si vous les aimez, ça leur fera plaisir que vous leur fassiez un petit coucou, vous pouvez leur faire des commentaires. Enfin bref, demandez toutes les informations que vous voulez à leur sujet. Pour ce qui est du programme de, j'allais dire de ce soir, mais comme on est encore dans des journées bien longues, on va dire de cette fin d'après-midi, eh bien on a évidemment pas mal de bonnes choses à vous proposer. On écoutera Principe Valiente, on écoutera Denis Bonnet, on écoutera This Human Condition, John Rice. Et puis pour commencer, on va écouter Infamous. On l'a déjà entendu, c'est pas une première, mais ça fait du bien de retourner parfois sur des morceaux entendus parce que ça nous plaît aussi. Infamous avec Dream Come True, et puis après on écoutera Latoya Star, la version radio du morceau No Competition. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusque 18h30 en ce samedi 1er juillet. 1er juillet, signe d'été, de vacances, de soldes aussi. Donc où que vous nous écoutiez, bien soyez les bienvenus. Come true. Come on. Yeah. don't you try to fight it. We light it, divide it. Couple seconds, girl, I'm back up inside it. Strip club, we could take it to private. Baby girl, you know you got me so excited. I wanna make it last, so I got to fight it. I only wanna be with you. You my lover, you my best friend. We be through the weekend. I think I'm swimming in the deep end. The way she love me, feelings start to creep. It's like a dream come true. Dream come true. Team is with me and you run up on me, then you lose. Cash on deck. don't flex. The hating gon' come when you cashing them checks. So I tell them, look at the flick of the wrist. No need to step down when you know you that. Never met a so bad, bad, bad, bad. Everything you want, I have. I was made for the spotlight. Now I'm getting to the money, I make it. You fake it, you save it, I blow it all. Bottles after bottles, my makeup on fleek. I swam on some new shoes, but y'all on me. But if they ain't watching, then you doing something wrong, something wrong. But I know they watching, cause I'm living the life they won't. Elle s'appelle Latoya Star et en tout cas c'est d'après elle, elle est faite pour le Starlight, les lumières du show business. Le morceau s'intitule No Competition, c'est la version radio et avant cela on a commencé avec Infamous et la version on va dire grand public parce qu'il y a une version plutôt censurée avec du adult content comme on dit, de Dream Come True. Mais comme on a encore une heure de grande écoute, eh bien on a préféré la version clean. Allez, d'ici quelques minutes, nous allons partir à la découverte de notre album Powerplay, comme on le fait chaque mois. Ce mois-ci, eh bien, il nous emmène aux États-Unis du côté de Baltimore. Je ne vous en dis pas plus, restez à l'écoute. Et avant cela, on écoute... ce n'est pas vraiment une nouveauté, parce que le CD, je l'ai eu il y a déjà quelques temps. Et d'ailleurs, il est sorti en 2016. Mais je ne pense pas que je l'ai déjà programmé dans cette émission. Il s'appelle Sonny Axel. Son album s'intitule Kickback. Et pour faire simple, on va écouter le morceau qui s'appelle Kickback aussi. I'm dying. There's an ache in my head. It's breaking my brain, praying away the pain. Still hearing the echoes. Was a hell of a night. It's the reason I'm trying to get myself right. There's no cure now when only. Kick back, dance to a different beat. Il n'y a pas à dire, ça fait du bien par où ça passe, ça fait toujours du bien un peu de blues, je vous rappelle son nom. Sonny Axel, avec le morceau Kickback, extrait de la plage titulaire de l'album qui porte le même nom. Et si vous aimez ce genre de musique, eh bien rendez-vous samedi prochain du côté de Fontgras et La Sauvage pour le festival Blues Express qui nous revient comme tous les ans à cette époque de l'année. Ça se passera donc le samedi 8 juillet. Les têtes d'affiche pour le Fontgras, c'est Victor Bacalao à 20h et Dawn Tyler Watson à 22h. Tout ça, c'est à Fontgras. Tandis qu'à La Sauvage, vous pourrez écouter Kit Calling Cartel à 21h30 et à 23h30, ce sera The Taj Mahal and Keb Moband. Je vous rappelle aussi l'adresse de leur site internet, www.bluesexpress.lu, pour toutes les informations. Et je vous rappelle aussi que ce festival est gratuit, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. L'année dernière, on avait eu un super concert de King King. On poursuit en musique avec un ancien powerplay, elle s'appelle Inouï, elle nous interprète Time is a Line. Is a line, et après ce sera A Bennett avec Day, T-H-E-Y. He wrote a story and burned the past. All things uncertain, they would never last. You can still see the ashes blowing around his house. They are our questions, looking for a place to go. Time is a nothing comes easy to you and me, baby. But these people now try to break us down, but we won't let them. Life seems so trying, cause it gets crazy. We can hide or we don't have to make a sound, and they won't find us. Saying no more for the life that I live, but you don't know me, you never did, no. You never did, no. They don't know you either. Saying no more for the things that I did, but you don't know me, you never did, no. You never did, no. They don't know you either. Oh no, you were never down for us, down for us. You waiting like a hater, now you envy us, oh oh. You say you were ride or die, yeah, like that's a plus, that's a plus. But that's how it goes when the haters envy you, envy us, oh oh. This seems so right, but they make you question. You're feeling the pressure from every direction. Which way to go? Just take my hand, we'll make it a promise. Trust and believe, I'm just being honest with you right now. With you right now. Saying no more for the life that I live, but you don't know me, you never did, no. You never did, no. They don't know you either. Saying no more for the things that I did, but you don't know me, you never did, no. You never did, no. They don't know you either. Oh no, you were never down for us, down for us. You waited like a hater, now you envy us, oh oh. You say you were ride or die, yeah, like that's a plus, that's a plus. But that's how it goes when the haters envy you, envy us, oh oh. Saying I'm all for the gift that I give, but you don't know me, you never did, no. No, you never did, no. I don't know you either. Something went wrong, but where do I begin? But you don't know me, you never did, no. No, you never did, no. I don't know you either. Oh no, you were never down for us, down for us. You waited like a hater, now you envy us, oh oh. You say you were ride or die, yeah, like that's a plus, that's a plus. But that's how it goes when the haters envy you, envy us, oh. Voilà, il s'appelle Bennett, E. Bennett, il nous interprétait le morceau D, mais c'est pas écrit en un mot puisqu'il y a des petits points entre chaque lettre, ça doit probablement annoncer cela, T-H-E-Y, E. Bennett, 17h25, partons si vous le voulez bien, et si vous ne voulez pas, bah, vous n'avez pas trop le choix parce que c'est moi qui fais la playlist. Partons donc si vous le voulez bien à la découverte de notre album Powerplay pour aujourd'hui. Je vous avais annoncé un petit tour du côté de Baltimore, et bien on va effectivement aller se promener dans ce coin-là pour découvrir un groupe qui, bien que ses membres ont de l'expérience, un groupe qui vient de sortir son premier CD. L'album s'intitule Gaslight. C'est un album de musique rock americana, voire même un peu de mélancolie, de musique country alternative. Le groupe en question s'appelle le Kurt Dimmer Band. Le Kurt Dimmer Band, eh bien, il est constitué par la réunion de plusieurs musiciens vétérans de la scène indie underground qui a émergé, eh bien, dans le Baltimore un peu grunge via des rencontres dans des clubs ou sur des clubs et ou des concerts. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et des musiciens qui sont bien, se sont regroupés, voire même peut-être agglutinés, pourrait-on dire, autour du chanteur et du personnage principal de ce groupe, Kurt Dimmer, qui est un compositeur qui a plus de 20 ans d'expérience en écriture et en composition. Il partage l'héritage musical de gens comme Dave Grohl ou Tom Petty, qui est peut-être un peu plus connu par ici. Il a son style inimitable et qui résiste à tous les stéréotypes et qui incorpore des influences, par exemple, de Richard Thompson ou du groupe Les Replacements, ainsi même que de Lou Reed. Voilà, j'en perds un peu mes mots. C'est pas grave. Je vous propose donc d'en écouter un premier extrait. Le premier extrait en question s'appelle Burning Man. C'est la plage eh bien, numéro 3, si tout va bien. Je vous rappelle le nom, le titre de cet album, il s'appelle Gaslight. C'est le premier album du groupe le Kurt Dimmer Band. Et c'est notre Powerplay aujourd'hui, samedi 1er juillet, dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Voilà, c'était le Kurt Dimmer Band avec quelques petits ratés dans le CD, désolé, mais ça valait pas la peine de le couper et de relancer, on aurait ça aurait gâché un peu tout, donc c'était pas encore trop pénalisant. J'espère que les deux morceaux suivants qu'on écoutera tout à l'heure, eh bien, on n'aura pas les mêmes problèmes. Je vous rappelle l'album, ça s'appelle Gaslight, et nous on écoutait le morceau Burning Man. On poursuit avec The Mojo Slide, Jesus Don't Love Me, et puis après cela, on les avait redécouverts le mois dernier avec leur nouvel album. Les Pink Dust, on les avait aussi écoutés comme Powerplay il y a un bout de temps de cela. Avec leur premier album Pink Dust, eh bien, ils nous reviennent avec un nouvel album, Night Vices. Et nous, on écoutera le morceau Winter Band. Tout de suite, Jesus Don't Love Me, c'est The Mojo Slide. Drunk, stole a car, lit a cigarette. Got high, found a wall, held my forehead. Woke up, screamed and shouted at a suited man. Bought a gun, robbed the bank, stole $100,000. Now I know, never get to him, but a man's gotta live, a man's gotta live. I know, I never get to him, but a man's gotta live, a man's gotta live. Heads down, gotta hide a stash. No shotgun with a devil, blew a mustache. Now I know I never get to heaven, but a man's gotta live, a man's gotta live. I know I never get to heaven, but a man's gotta live, a man's gotta live. Kids crash the pool in a Cadillac. Snorted lines off the back of a model's crack. Our hopes, Las Vegas, all dressed in black. Met a preacher man, tell me that he's come back. Now I know I never get to heaven, but a man's gotta live, a man's gotta live. I know I never get to heaven, but a man's gotta live, a man's gotta live. Listening to Planet Indie. Hi, we're Lily Sparks. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Inside me now, if I could get close enough, think you would pull me through. But I don't know how, can't find a reason. All this time and all is lost. I'll fall down, I'm winter bound, and only hope that spring arrives. On the ground, sparkle like the first time new. Can we try to work this out? One last try before we start to move. Heard a minstrel play, thought I'd try to hum along. Tried to tell you softly, la-di-da is what I meant to say to you. Instead, the words that haunt me, seeded clouds up in the sky. I fall down, I'm winter bound, and only hope that spring arrives. What it brings with spring I could use inside me now. I fall down, I'm winter bound, and only hope that spring arrives. C'est le nouvel extrait du nouvel album du groupe de Pink Dust que je vous propose. J'allais dire que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui. C'est pas le deuxième qu'on écoute aujourd'hui, puisque le premier on l'a écouté le mois dernier. Enfin bon, ça devient compliqué. Enfin bon, c'était les Pink Dust, extrait de leur nouvel album. L'album s'intitule Night Vices et nous on écoutait Winter Band. On va se calmer un petit peu avec une artiste française à la voix douce, fluette et chaleureuse. Elle s'appelle Manon Tanguy, elle nous interprète le morceau Sous les vagues de minuit. Oui, enfin minuit, on n'y est pas encore. Les vagues ici dans le coin, c'est pas trop ça. Mais si vous êtes en vacances et que vous nous écoutez, eh bien de votre transat, peut-être, eh bien que ça vous concerne. En tout cas, dans ce cas-là, ce morceau est rien que pour vous. Manon Tanguy, Sous les vagues de minuit, et puis après cela on écoutera les Nightbirds et le morceau Pieces avant de retourner bien évidemment sur notre album Powerplay, celui du Kurt Dimmer Band. Ne pas se retourner des fois.

PCs et avant cela la française Manon Tanguy qui nous interprétait Sous les vagues de minuit, dédiée à tous ceux d'entre vous qui sont déjà en vacances au bord de la plage et qui nous écoutent probablement via internet parce que les moyens technologiques modernes le permettent, donc soyez les bienvenus. Et puis je vous rappelle donc que vous êtes à l'écoute de Planète Indie. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour partir à la découverte du meilleur de la musique indépendante, du meilleur de la musique alternative. Si vous voulez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas, vous avez plusieurs moyens pour cela. Soit vous nous donnez un petit coup de téléphone au studio, c'est le 26 54 0044, 00 352 26 54 0044. Vous pouvez nous envoyer un mail aussi. Pour cela, vous rendez sur le site de Planète Indie et il y a un formulaire, vous pouvez remplir le formulaire et hop, on vous répondra assez rapidement, ou alors vous nous rejoignez sur Facebook dans le groupe Planète Indie et là vous pouvez nous envoyer vos commentaires en direct. Voilà, 17h49, nous retournons sur notre album Powerplay. Il s'agit de l'album du groupe de Kurt Dimmer Band, un groupe de Baltimore, un groupe, comme je vous le disais tout à l'heure, composé de musiciens vétérans qui ont déjà une longue expérience. Alors autour du Kurt Dimmer qui chante et qui joue de la guitare, on trouve, alors qui est-ce qu'on trouve, Chris Maher à la basse, on trouve Steve Rose aux percussions, John Christensen à la guitare et puis aussi Ben Alexandre au clavier. Une des particularités de ce groupe, et à la différence des autres groupes avec un chanteur proéminent, bien mis en avant, c'est qu'ici, eh bien, dans les chansons, on entend les voix de chacun des membres de façon tout à fait claire. Il y a des artistes donc de Baltimore, mais pas que ça, puisque Steve Rose, qui joue des percussions, il est anglais. Chris Maher, lui, donc, il est de Baltimore, avec une formation plutôt rock. Et John Christensen, qui joue la guitare principale, il est plutôt originaire, et pas plutôt, il est originaire de Pittsburgh. C'est un groupe qui joue régulièrement du côté de Baltimore, entre Baltimore et Washington. Ils étaient d'ailleurs hier en concert à Baltimore, au Rec Room, donc pour ça il est trop tard. Il joue dans des clubs, des théâtres, des festivals, des open space artistiques, et très rarement, mais parfois ça arrive, ils font aussi des reprises. Bon, allez, on va s'arrêter là pour le blabla. On écoute un second extrait qui s'appelle Come Close. C'est le Kurt Dimmer Band et c'est notre powerplay pour cette émission numéro 386 de Planète Indie. Powerplay. We'll be right back.

trying hard not to surrender. Cause the world ain't right, I'm no weak enough. My little bro hadn't leave when I'm leaving. I'm watching his steps even when he's screaming. No, I'm not crying, I'm not weak enough to see what's happening in my hood to my dragon cops. Little boys trying like they were drug dealers. Little girls trying looking like you. Am I just asking too much? Do we just got too touch? The hand of God and bring protection to my soul. Oh, my mama's crying all night. I love her mad but she fight, cause she's a superhero. Oh, I call my people up high. Though you can't deny that all the shit I've got, just another way. Tell me that you love me evermore. Then you walked out of my door. Cause baby, maybe you don't belong here anymore. Is this what I'm looking for? Someone came knocked at my door, telling me she knew how I looked. Then she shouted to me, don't look back. But baby, maybe I don't need to worry. Tell me you love me evermore. Then we don't walk out of our door. Cause baby, maybe we don't belong here anymore. l'instant, le groupe Seed Folks avec We Don't Belong Here. Avant cela, c'était Yena ou Yena X Tofi avec I Call My People. Et encore avant, c'était John Rice avec End to End. Il y a parfois des drôles d'associations d'idées qui se font, puisque tout à l'heure, je vous parlais du festival Blues Express. Je vous disais qu'il y avait eu le fabuleux concert de King King l'année dernière à ce festival. King King, tout comme d'ailleurs Sari Shore, ils sont signés par le même label, à savoir Manhattan Records. Et Manhattan Records, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Eh bien, aujourd'hui, à 13h44, j'ai reçu l'email. Eh bien, ils ont un autre artiste signé qui s'appelle Robin Trower. Et Robin Trower sera en concert au Stadthaus, Alt Stadthaus, à Differdange, le 26 novembre. Donc, comme quoi, il y a parfois des connexions amusantes qui se font. Et puis, tant qu'on est dans les dates un peu plus lointaines, notez aussi celle-ci dans votre agenda. Le 26 du 9, c'est l'avenue des Sisters of Mercy à la Rocale. Et le 10 octobre, Nick Cave and the Bad Seeds. Pour le programme à plus court terme de la Rocale, rendez-vous eh bien, un peu plus tard. Pour l'heure, on continue en musique avec This Human Condition, le morceau Breaking the Code. Et puis après ça, on retournera sur le Kurt Dimmerband album, debut album Gaslight. Thank you for your brilliance, cracking the enigma code, playing such a vital role, your story must be told. Your sterling work at Bletchley Park, shining light into the dark. Your genius was at the heart of bringing the end to war. What did he do, this brilliant mind? Falling in love was seen as a crime. I don't like the irony, there's no justice. Breaking the code. 18h11, retournons si vous le voulez bien sur notre album Powerplay parce que le temps avance et malheureusement on ne peut pas le ralentir. Notre Powerplay c'est l'album Gaslight du groupe Kurt Dimmer Band, c'est leur premier album bien que ce soit donc des vétérans de la scène musicale. Cet album est composé de chansons qui parlent de désillusions personnelles mais aussi de rédemption partielle. C'est le thème, c'est de trouver sa place dans le monde après avoir été, comme ils disent, mangé tout cru vivant, mais quand même ressortir et prendre la vie à bras le corps. Il faut transformer sa colère et son désarroi en une détermination pour persévérer. Il faut accepter qu'il y a quelques tristesses vraies, on va dire, qui s'insinuent dans nos vies et il faut l'accepter. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un album qui soit acide, voire amer. Il est doux amer, on va dire, un peu comme une rencontre fortuite avec un ou une ex. C'est un voyage entre le fait d'être véritablement cassé et en même temps de retrouver un peu d'espoir. Voilà pour la présentation des thèmes, on va dire, de cet album Gaslight de Kurt Dimmer Band. Le premier morceau que je vous propose, troisième et dernier pour aujourd'hui, il s'intitule 28 jours, 28 days. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie et c'est le Kurt Dimmer Band. Powerplay. All the rest to take but stop. different shades of green. Now they're all just ordinary trees in her veins. Runs a lethal, numbing routine. But his promises were lame and downright phony. She had to get a 9-to-5 job, cleaning up and mopping and sweeping the floors. And she never saw the money, never got the alimony. this is Arda and the Stolen Moon, and you're listening to Planet Indie. Et bien voilà, elle s'est présentée mieux que je n'aurais pu le faire. C'était Arda and the Stolen Moon, ou Arda et la Lune Volée, une artiste chypriote qu'on aime beaucoup ici, avec Dead End Waltz, une chanson qui parle eh bien, d'une jeune mère célibataire qui se trouve dans une situation un peu difficile, puisqu'à l'âge de 23 ans, eh bien, elle a 3 enfants, les factures s'amoncellent, et ce n'est pas fini, mais la philosophie de la chanson, et c'est de dire, eh bien, nous sommes tous quelque part responsables des choix que nous faisons dans la vie. Là, en arrière-plan, on entend Denis Bonnet, avec un album, c'est un album instrumental de violon. Un peu comme Lindsey Stirling, qui est venu il y a quelques semaines à la Rocale. Et en parlant de Rocale, eh bien, on va faire un petit tour rapide sur les concerts à venir dans les jours qui viennent. Demain, Rodrigo et Gabriela, le 4, Raes Remourde, pas facile à dire. Le 8, c'est Arcade Fire. Le 9, Kabaka Pyramid. Le 11, Trombone Shorty and Orleans Avenue. Le 14 juillet, ZZ Top. Le 18 juillet, c'est le Screaming Field. Et non, le 15 juillet, pardon. Le 15 juillet, le Screaming Field. Et il y a notamment à propos du Screaming Field, je vous avais parlé le mois dernier de ce concours qui était ouvert aux jeunes artistes luxembourgeois et de la région. Les finalistes sont connus. Ils sont au nombre de 15. À savoir Céline Heltz, Delhi, Legacy of Atlas, Muntu, Larlève, Adrian, Claire Mélen, Guacamole, MC Maz, The Young Souls, Trappers, Columbus, Lara Grogan, Marc Christian et Ella. Et le vainqueur qui gagnera eh bien, un promotional package avec un enregistrement, une session d'enregistrement au Rocal Studio, un tournage vidéo, une campagne de promotion et puis une release party à la Rocal. Le gagnant sera donc connu le 15 au cours du Screaming Field Festival. Voilà, on écoute Denis Bonnet avec BBC Two, comme quoi on n'est pas sectaire et on fait aussi de la pub pour les autres radios dans Planet Indie. Désolé Denis Bonnet, on va réécouter plus longuement une prochaine fois, mais le temps nous presse. On va se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle Mastered 72333. C'est le Little Mountain Mix du groupe Post American. On devait encore écouter Principe Valiente, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, désolé. Je pense que j'ai été trop bavard. C'est la fin de cet épisode numéro 386. Je vous rappelle qu'il sera rediffusé demain dimanche entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et puis que vous retrouverez le podcast aussi sur notre site internet ainsi que sur Facebook. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de ce soir. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 387. Je vous retrouve le samedi 5 août entre 17h et 18h30. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, à venir voir notre site internet. Vous pourrez donc retrouver le podcast. Et puis, je voulais aussi vous rappeler qu'à la rentrée, probablement en septembre, je vous avais parlé d'une émission, puis je vous ai parlé de deux, ce sera peut-être finalement quatre émissions, puisqu'on va fêter cette année les 20 ans de Planet Indie, bah oui, et donc on a 20 ans à quelque part, quelque peu à retracer. Donc, je suis en train de préparer des émissions rétrospectives. Donc, à la rentrée, on va remonter un peu dans le temps, dans ces 20 années de Planet Indie. Voilà, je vous souhaite un bon samedi soir, un bon dimanche, un bon week-end, et puis un bon mois de juillet, puisque c'est le début des vacances, et rendez-vous dans un mois. Portez-vous bien, à bientôt.